part dans le groupe tout seul. Ça allait pas, je me prévois à tout niquer. Comme une vierge qui fait le grand écart, j'ai la haine. J'ai pas la flemme, ça ralentit de finir après. Dans la galère de la rue, y'a que les schlages qui auront la paix. Par ici, ça crie. Et par là, ça pipe le rap de gay. Le rap de geek sur internet te parle de street. Tu fais la meuf qui chez Marvin. Mais on t'a tourné comme un clip. La routine nous brise la patience à force d'attendre la réussite. Ça sent la rue et le plastique. Me cape héros, Z là. Je viens de citer les cadres fantastiques. Je viens d'une cité plus que magique. Vodka Red Bull donne des couilles. Sous alcool, ça s'agite. Mais la tisse te rouille. Jusqu'à que ça amuse s'invite. On te laisse parler. Allez, on sait que le sang salit. T'es une grosse merde dans l'atmosphère. Comment oses-tu faire ta vie? Tout peut brûler, c'est super simple. Oxygéné, pas un coup d'extinct. J'ai 20 fiches, comme ta super 5. On te regarde pas, comme la 5 le matin. Levé par un coq, nous dans le 9-3. C'est les poulets, les petits frères bicrave la coque, les grands t'as des grammes dans la foulée. Normal, c'est la routine. ORG, tu passes pas sans footing. Normal, c'est la routine. RDM, tu passes pas de shooting. A 3, 4, 5, 6, les portes sont closes. Alors j'insiste, A 4, 3, 5, 6. Boum, rejoins à la Asis. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, boum, boum, je joins la A10. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les portes sont closes, alors j'insiste. 1, 4, 3, 5, 6, boum, boum, je joins la A10. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Boum, boum, je joins la A10. 2, 3, 4, 5, 6. Mon équipe en LV, Gucci, DG, prête à bouger. Wesh, les BG, je vais vous baiser. J'ai plus cela que qu'un boucher. Bouge B, je laisse baver. T'es bof comme l'air de Beauvais. J'suis beau, elles veulent me toffer, elles veulent m'étouffer. Poussez-vous, j'ai besoin d'air. La vie, je lui nique sa mère. J'ai pas grandi avec mon père, mais avec ma mère, on fait la paire. Avec ma mère, on fait la paire. On perd des frères sur le terre-terre. On en de la paix, ils veulent la guerre. Ferme ta gueule, on nique ta mère. Grandi dans la Zermie, RSA, RMI. Barre sur l'été et les points sur mon permis. Mon train de vie te fait sauter du quai. On te régale, tu te donnes et tu t'es. Ça fait mal, je me sens persécuté. Ça fait mal, mais je vais percer, tu sais. ORG, y'a de la coque perchée. Trop de moutons pour si peu de berger. Wesh, berger, tiens tes moutons. Je suis trop bon, je vais les égorger. Comme un prénom pakistanais. Ah, on va t'écorcher. T'es rempli de star, c'est pas un visage. C'est les quais d'Orsay. Boum, boum, rejoins la A10. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6.